Pierre Cussé. Il est 15h. Et voici l'heure du Zbing et du Boeing. Pour les noobs et les geeks, les filles connectées et les garçons tunés, et tous les mélomanes. Pour la musique dans le pixel, c'est Pixel Music. Pixel Music. RQC. Et enfin on plaît aux filles. Je dis d'abord on plaît school, puis on plaît mobile, puis on plaît station et puis cool. Enfin on plaît aux filles. D'abord on lit à 8h, et puis petit à petit on gagne. Qu'à suivre le guide et respecter les doses. D'abord on plaît cool, puis on plaît mobile, puis on plaît station, puis cool. Enfin on plaît aux filles. D'abord petit boy scout, puis playboy au mois d'août, et puis enfin c'est... Bonjour à tous et à tous, et on a commencé l'émission avec Cédric Hatlan avec la chanson Enfin en play aux filles. Mais pourquoi je diffuse cette musique? C'est simplement parce qu'on va faire une émission spéciale, on va dire musique qui se sont inspirées des jeux vidéo. Et évidemment, dans la chanson Cédric Hatlan, en plus de des marques d'une certaine plasticine, comme diraient nos amis belges, et sur une marque, il y a une console de jeu qui est parlée. Donc là, nous allons commencer de nouveau l'émission avec Lindsay Stirling, qui a été découverte dans American Got Talent en 2010, à l'âge de 23 ans. Et on peut la voir dans la bande-annonce du jeu vidéo Just Dance 4 à côté de Florida, et en 2012. Et la même année, il y a sa sortie de son premier album. Et là, elle est avec Peter Hollens pour la musique de Skyrim. Je vous laisse découvrir ce titre. C'était Lindsey Stirling au violon, accompagné de Peter Hollens au chant pour la chanson de Skyrim. Donc, ceux qui connaissent pas Skyrim connaissent peut-être le nom Elder Scrolls. Donc, c'est un RPG que je conseille de plutôt jouer sur PC parce que c'est beaucoup plus clair à lire les sous-titres, les choses que sur console, même si on a une grande télé et beaucoup plus confort. Voilà, après, on aime ou on n'aime pas. On n'a pas besoin d'avoir la dernière machine de course pour pouvoir jouer à ce jeu. Mais on s'amuse très bien pour les RPG. Mais pas les RPG style Final Fantasy, des RPG un peu plus sombres, un peu plus noirs. Et à côté un peu plus américain. Là, nous allons passer directement à un autre style, parce que là, ça fait quand même assez classique. Et nous allons partir à Brooklyn pour un groupe qui s'appelle Coca Brovza. On le connaissait. En fait, il l'avait sorti sur Smith & Wesson, mais ils ont dû changer de nom parce que ça avait pensé à la marque de pistolet Smith. Et ils se sont surnommés Coca Brovza. C'est sorti en 98 sur l'album The Rude Awakening. Et je vous laisse deviner le beat qu'ils ont pris. En plus, là, avec moi, j'ai un petit invité qui reconnaîtra la musique, qui vous le dira après de quel jeu vidéo est tiré les beats. Donc voilà, je vous laisse découvrir Coca Brovza Super Brooklyn. ST, what I represent, NY, hold it down for my peeps in the veil, and do or die for the record, let it be known, chrome conceal, and any one of these niggas can blow your grill, show your skill, you want war, hold your steel, you want more, unload text, you all can feel, raw deal, you all peel, run for the hills, run for your shield, the battlefield's blasting at will. Smoke dog, you know my name, I'll be the same till the day that I'm laid down, niggas push me to the points, got a spray round, take your street like for a game, acting like clowns, always playing. You ain't busting off, just shooting the breeze. Cause you scared of the repercussion after the squeeze. You ain't been through what I did just to get where I'm at. Streets where I rap and BK where I be at. Cause Brooklyn where we live at. Brooklyn. Juggling and get trapped. Brooklyn. Handling them big cats. My army got my big dad. I'm a Brooklyn survivor. These streets is hotter than lava. Toxic lava. Burn you like fire. I'm a BK, BC, ST. Smoking Nestle with a chicken and a GS tree. or Missy so sexy? Well, she's a bitch. Shorty, you can't play me. I'm a general, baby. What? You crazy? Fuck town where niggas be acting so shady. Welcome to Brooklyn, where we send shots through your fitteds. Rocks, two-tone, do-rags, and whips. Just get it. I love to shit it. Fuck you if you ain't with it. Out here, I know the DA get cases acquitted. So why would I up and leave behind all my team? All that cream. Go to where new and start out clean. My 16, these niggas cramped with hoes. Been all around the world, still Brooklyn zone. Brooklyn, where we live at. Juggling and get trapped. Handling them big ass. My army got my bid at. Brooklyn, where we live at. Juggling and get trapped. Handling them big ass. My army got my bid at. What we live is what you read about. And any time of the day, we bring the heaters out. My nigga stacked his dough, then he bought the Beamer out. Now you wondering what Coco B's about. Coco B. R-O-O-K-L-Y-N with a couple hoes. Tired of copping weed bags, had enough of those. Investing a few pounds or a couple loads. My niggas hustle most aggressive and keep the toast. On point for the beast and whenever beef approach. If you want me, you can find me in the reefer smoke. Chrome close, anyone can peep, beat your ghost. On my heights and capers, Smokey Lobby, one of the greatest. Can't tell you all the things my niggas do for the papers. Why rocks look like raiders and got models for ladies. Come through in fresh wares, always driving the ladies. From the day from mountain bikes with Tim's on my feet. Move with the heat, Coco B's influence your speech. During the week, catch me in the park getting sets. Better rally style over the ball, behind the neck. Out in Brooklyn where we live at. Juggling and get trapped. Handling them big ass. My army got my bid at. Brooklyn where we live at. Juggling and get trapped. Handling them big ass. My army got my bid at. Where we live, what you read about. In any time of the day, we bring the heaters out. My nigga stacked up a dough and brought the Beamer out. And now you're wondering what Coco B's about. What? RQC de la radio à gogo. Et donc c'était Coca Brevas avec Super Brooklyn. Et voilà, comment tu t'appelles, petit jeune homme? Joshua. Et tu as quel âge? 4 ans. 4 ans. Et tu sais, c'était sur quoi la musique de Coca Brosca? C'était sur quel jeu vidéo? Mario. C'était sur Mario, Super Mario? Oui. Et est-ce que tu as bien aimé la chanson? Oui. Oui. Et donc voilà, c'est un fan de Mario, comme beaucoup d'enfants, quand ils jouent aux jeux vidéo. Voilà, et c'est tiré, les beats sont de Super Mario. Petit clin d'œil aussi avec leur nom, avec Super Brooklyn. Là, nous avons parlé de Kavinsky. Il y a une chanson qui s'appelle Road Game. C'est tiré de l'album... sur l'album Night Call. Et en fait, Night Call a eu une adaptation en jeu vidéo. Donc, Kavinsky. Et donc, c'est pour ça que je parle, que je passe du Kavinsky avec Road Game. Bah, en fait, voilà, c'est un jeu de course fait par Kavinsky, bon, avec une équipe derrière, parce qu'il l'a pas fait tout seul. Et je vous invite à voir le clip vidéo qui est juste une petite beauté. Voilà. Donc, Kavinsky, Road Game. We'll be right back. déguster de la radio à gogo. C'était R avec Kelly Watchester. Pourquoi cette chanson? Tout simplement, voilà, Kelly Watchester. Bon, c'est sorti, ça a été enregistré en 97 et sorti en 98 sur l'album Moon Safari. Et pourquoi j'ai choisi cette musique-là pour me dire, ouais, mais ça parle pas de jeux vidéo. En fait, le clip vidéo, on voit deux femmes jouer au ping-pong et cette fameuse Kelly qui gagne à la fin vole carrément. Lors de ses coups au ping-pong. Et on voit, en fait, un moment, on est dans un salon, on voit deux jeunes enfants jouer au jeu Pong, qui est sorti en 72. C'était un projet en été 72 et sorti le 29 novembre 72. Et au départ, c'est sorti en arcade et en console de jeu en 1975. Donc voilà, et c'est contrôlé par un pad. Voilà, et c'était le premier jeu vidéo en tant que tel qui a eu un succès phénoménal, alors que c'est de trait un point, et le but c'était de marquer les points, le plus de points. Donc voilà, et en fait, on voit la console, et sur le côté de cette console qui est l'Atari, une Atari, c'est marqué Kelly. Et en fait, bah, on suppose bah, voilà, que. Bah, cette fameuse Kelly qu'on voit en vrai, cette jolie jeune femme qui vole par-dessus l'émission, bah, et, voilà, c'est tiré du jeu Pong, et c'était une visualisation du jeu Pong. Là, je vais vous passer un titre de métal pour changer un petit avec Power Glove, avec Coacha Coach M. Hall, et je vous dirai après d'où c'est tiré. Et donc, je ne sais pas si vous avez reconnu, on va dire, les jeunes qui ont entre 25 et 35 ans, qui écoutent, qui ont déjà vu l'arrivée de ce jeu vidéo qui a fait des millions, des millions de fans. Donc, je crois que Joshua veut dire ce que c'était la musique de quel... Tu veux pas dire ? Non, il veut pas dire alors qu'il était là. Oh maman, c'est Pokémon. Voilà, donc oui, c'était bien la musique de Pokémon avec Gota Coach M. Hall. Donc c'est le générique du dessin animé. Il faut savoir que Power Glove, c'est un video game metal band, donc du genre power metal. En fait, Power Glove, c'est le fameux gant, ça vient du fameux gant électronique qui permet de contrôler des choses à distance. Et en fait, voilà, ils prennent beaucoup de musique de jeux vidéo, principalement de Nintendo. Et il faut savoir que le chanteur, c'est Tony Kako. Et avec les en chanteur additionnel Nick Cavilla. Et les membres récurrents sont Nick Cavilla, Alex Bergson et Basil Silver. Et donc voilà, ils ont fait la première partie de Sonata Arctica. Ils ont collaboré aussi avec eux. Voilà, ils ont repris la chanson de Pokémon, des Simpsons, mais aussi de Mario en version métal, Metal Combat Force Mortal Man. Donc, c'est les musiques de Mortal Kombat et Metal Slug. Voilà, des chansons comme ça, tout était repris, soit d'univers, on va dire, geek en général. Donc, voilà. Ça peut être des musiques, ouais, des références à des films ou à des musiques voilà, geek ou jeux vidéo, principalement la musique des jeux Super Nintendo. Là, on va encore continuer avec un vidéo game band avec Thunder Clash, avec Mega Medley. C'est la musique de Mega Man X, version encore métal. heures de mon temps libre. Eh, t'es bien tombé, pile sur RQC. Passionné ? Envie de partager et animer ta propre émission ? Rejoins une équipe motivée et volontaire au sein de la doyenne des radios libres. RQC recrute. Envoie ton courrier à RQC, Animation Média Picardie, au 2A rue Roger Salengro, à 7700 Moucron. Ou par mail à bonjour@rqc.be. bonjour@rqc.be. RQC. Et donc, voilà, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis de vous accueillir aussi. Là, nous allons passer à un morceau beaucoup plus pop avec le groupe Freezy Pop. Et en fait, je vais vous parler un petit peu de ce groupe. En fait, c'est un groupe américain de synthé pop formé en 1999 à Boston. En fait, ce groupe-là, il est particulièrement connu pour son apparition dans plusieurs jeux vidéo, en particulier ceux développés par Harmonix, comme les jeux Frequency, Amplitude, Karaoke Revolution, Guitar Hero et Rock Band. Il faut savoir que Kenson Croker, alias The Duke of Penkoken, qui fait les synthétiseurs dans le groupe, est également directeur de son et de développement de ces jeux. Donc voilà, il se fait, à mon avis, un peu de pub. Voilà, et il faut savoir, avec, il y a The Duke, ce Penkoken, il y a aussi Liz Antonesian, de son vrai nom Justine Gamache, qui est au chant, Cinti Drinkwater, de son vrai nom Cinti Drinkwater, voilà, toujours aussi au synthétiseur, voilà, comme je dis, c'est un groupe de synthé pop, donc voilà, et ils ont sorti 5 albums, dont le dernier est de 2012, qui s'appelle Secret Companion. Et là, c'est I'm Not Your Game Boy. Donc, voilà, on est à la génération avant la 3DS, on avait notre petit Game Boy. Donc, à voir comment vous dites, si vous dites une ou un Game Boy. Je lancerai le débat sur la page Facebook Pixel Music, si vous dites une ou un Game Boy. Donc voilà, et on en reparlera peut-être plus tard. You are correct. AA batteries, and I'm good to go. 700 milliamps, computer off the shelf. 6 AA batteries, computer busy time. 700 milliamps, gonna come your way. I don't have no Pac-Man, asteroids are Donkey Kong. Don't look here for Tetris, even Super Mario. Don't ask me, I told you no. Don't play with me. Oh, can't you see? I am not your Game Boy. Don't mess with me. I'm not your toy. Just look at me. I am not your Game Boy. Six AA batteries, and I'm good to go. 700 milliamps, computer on your shelf. 6 AA batteries, you're doing busy day. 700 milliamps, gonna come your way. I don't have Spy Hunter, Galaga or Burger Time. Don't look here for Frogger, Diddle ain't no friend of mine. Don't ask me, I'll cross the line. Don't play with me, I'm not your toy. Oh, can't you see, I am not your Game Boy. Don't mess with me, I'm not your toy. Just look at me. I am not your Game Boy. I don't have a joystick or a backlit LCD. No Nintendo. Et donc, c'était Freezy Pop, I'm Not Your Game Boy. Donc voilà, donc on entend bien, rien que dans le trailer de la Game Boy, la petite console de jeu portable qui a fait fureur. On râlait parce qu'il y avait pas, quand il n'y avait pas de lumière, on voyait pas grand-chose. Et quand on jouait dans le lit, bah, on allumait les lampes de poche et on essayait de pas se faire choper par les parents parce que c'était l'heure de dormir. Et on entend aussi parler de Mario. Voilà, toujours de Nintendo. Nintendo a inspiré beaucoup, beaucoup de monde au niveau musique et jeux vidéo. Là, on va passer du hip-hop français avec un groupe qui vient de Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis. C'est un groupe de frères composé de Hi-Tech et Nick Fury et épaulé par le DJ Fab. Voilà, et c'est l'album. Ils ont sorti un album qui s'appelle Plein de morts, Arc-en-Ciel pour Datchenin. Et quand on regarde un peu les titres des chansons, c'est Players. Là, je vais vous passer Arcade. Donc, tout dans l'univers un peu du gamer, des joueurs de jeux vidéo. Et la chanson, c'est Arcade de La Caution. Donc, c'est du hip-hop. Beaucoup de gens du hip-hop se sont inspirés de musique de jeux vidéo, ont composé beaucoup de choses en rapport avec la musique ou avec le jeu vidéo en général. Yo, impressionnant, shoot them up, invraisemblable, déstressant. Mitraillette américaine, jamais nickel, pas d'étiquette jamaïcaine, américaine, et prends ce jerrycan dans les dents, tiens dessus et tu les touches, j'ai quelques crédits dans la bande, mets des pièces dans la fente. Nouvelle existence, résistance au stress, presse le bouton, les pixels se multiplient. Maître concepteur de programme, être dans l'erreur, c'est le bug. Traître dans le cœur, du propane en polygone, polyglotte, numérique, une énigme et de l'air. Laisse la place aux mercenaires, c'est la fin du jeu. Calé dans le canapé, je cavaler l'écran m'avale, j'ai le joypad, je pénètre l'arène, gladiateur de chambre, fenêtre sur cours, amateur de plantes, mon esprit c'est des fenêtres à la sueur de sang, j'appuie sur start et select, en presse en B, X, Y, Z, Mario Kart, autocar, je ne sais où, Mario aux cartes, poker, je me débrouille, Mario femme de Quimper, je me désoule, arrive au clash de synthèse, je me dédouble, anime vos faces de simplesse sur le playground, paniquez vos mères, c'est la guerre jusqu'à présent, shoot them up, invraisemblable, stressant, qu'importe le level, je serai présent, capable de faire l'oppressant, yo, impressionnant, shoot them up, invraisemblable, déstressant, qu'importe le level, je serai présent, capable de faire l'oppressant. Hey, Annette, prends la manette, le stick de joie qui se trouve dans la mallette, jean, celle qui se trouve sous le jean, je m'arrive vénère, appelle-moi Nick Fury. Et le bizarre thème, les trucs, Super Nintendo, Sega Genesis, Play de Dreamcast et Gamecube, tu persistes, cause t'es qu'à des rétines. Et le bizarre thème, les trucs, Super Nintendo, Sega Genesis, Play de Dreamcast et Gamecube, tu persistes, cause t'es qu'à des rétines. Je concrétise avant d'être complètement sous l'effet de la skate, ma poule, et j'ai de la gueule, j'te saoule. Branche la vérité, l'hérité de mes disquettes, méditer mes séries Z, visez donc l'épiderme de cette pin-up qui se pixelise et dit non, sinon cet antilope se distingue, ce pixel se précise quand je pilote. C'est direct et terrible, direct et terrible, direct et terrible. Et le bizarre, vas-y. Et le bizarre, t'aimes les trucs, Super Nintendo, Sega Genesis, Play de Dreamcast et Gamecube, tu persistes, cause t'es qu'à des rétines. Et le bizarre, t'aimes les trucs, Super Nintendo, Sega Genesis, Play de Dreamcast et Gamecube, tu persistes, cause t'es qu'à des rétines. Si t'as les nerfs solides ou l'air sévère, quand t'es Tchernobyl ou les excès, alors passe le stage et les levels. C'est le Ninja Gaiden qui tue, dans son petit aquarium qui fume. Mon optique à quoi j'donne l'illumine. Quand je m'illustre inactif, tu es radio. Appelle-moi trône, être au contrôle principal ou trône. Gicle en pixel, nickel en tite, cycle binaire 00110, syntaxe error. Crazy taxi, signe obscène, bine de chien, mine de rien, infiltré comme Splinter Cell, Winter Games, qui me revient, j'ai rendu réel le cybersex, Super Nintendo, Sega Genesis, Jésus ne me connaît pas comme les gars de Genesis, tu n'auras vraiment pas de vie supplémentaire, je suis un président des vies pas sédentaires. T'aimes les trucs, Super Nintendo, Sega Genesis, Play de Dreamcast et Gamecube, tu persistes, cause t'es qu'à des rétines. Et le bizarre, Et donc, c'était La Caution avec la chanson Arcade. Et voilà, c'est vraiment un hommage aux jeux vidéo. On entend différents, soit styles de jeu, soit consoles. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi aujourd'hui dans l'émission. Vraiment, on parle de jeux vidéo en général. Là, c'est une jolie chanson toute mignonnette avec une chanteuse toute mignonne qui s'appelle Lan. Et en fait, cette chanson, c'est son amour pour sa passion des jeux vidéo, mais aussi une petite chanson d'amour pour son chéri qui est fan de jeux vidéo. Et ça s'appelle Video Game Love Song. Donc, je vous laisse découvrir cette chanteuse, Lan, qui est américaine, qui a fait la vidéo, qui a un clip vidéo sur cette chanson-là. Je vous invite à le découvrir. Je le partagerai sur la page Facebook Pixel Music. Franchement, j'adore. Il y a du cosplay et il faut y arriver à écouter les paroles, vous allez voir, c'est mignon. C'est Lan avec Video Game Love Song. I don't like playing games unless they're video games. I know you like playing games, so baby, let me play with you. Player one and player two. I could be your Chun-Li when we play Street Fighter. I could be your princess in Super Mario Brothers. I could be your Zelda in The Legend. Be anyone you want me to be. So baby, won't you play with me? I could save you if you save me. Together we could save the world. I could love you if you love me. Won't you let me be your girl? But don't worry, we still have 30 lives. I can save you if you save me. Together we could save the world. I could love you if you love me. Won't you let me be your girl? Getting any closer to cracking the code to your heart? Up, up, down, down, left, right, B, A, start. Am I getting any closer to cracking the code to your heart? Oh, oh, save the world, world, world. RQC, une radio libre, sans publicité, sans parti, mais pas sans parti pris. Et donc, c'était Lan avec Video Game Love Song. Là, donc voilà, c'est vraiment la petite chanson, la petite balade mignonne pour adoucir un peu. Oui, j'ai passé du métal, j'ai passé de l'électro. Là, voilà, c'était la balade électro, la balade pop. Hommage aux jeux vidéo, un hymne à l'amour aux jeux vidéo et aux gamers. Voilà, moi aussi, voilà, c'est aussi un petit clin d'œil à mon homme fan de jeux vidéo. Comme moi. Et là, on s'approche dangereusement de la fin. Je vais vous passer Silent avec la chanson Boss Wave qui s'inspire vraiment de l'univers jeux vidéo. Il faut aussi regarder le clip. Je vous passerai les clips vidéo qui m'ont bien marqué. Comme ça, vous pouvez voir sur la page de l'émission Pixel Music. Et là, je vais vous faire Silent Boss Wave et je vous dirai au revoir juste après. Sensation. musique. Ta génération. Ta génération. De cet lieu, petit frère veut grandir trop vite. Mais il a oublié que rien ne sert de courir, petit frère. RQC. Et donc c'était Xilint avec Boys Web, donc on entend vraiment l'influence 8 bits des anciens jeux vidéo. Et voilà, c'est du dubstep, donc c'est Boys Web. Là, l'émission touche à sa fin. Je vous laisserai en compagnie de Jean pour Nostalgie de mon pays, donc l'émission en portugais. Et là, juste pour conclure l'émission, ça sera The Rabbit Juan avec The Legend of Zelda. Beaucoup de gens ont cru que c'était System of a Down qui avait fait cette version, mais non, parce qu'en fait la voix est similaire au chanteur de System, mais non, c'est The Rabbit Juan avec The Legend of Zelda. Et ne vous trouvez pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours, parce que la semaine prochaine, normalement, il y a la frégate en délire, comme chaque fin du mois d'octobre. Et donc ça sera The Legend of Zelda, The Rabbit Grant, et juste après, ça sera Jean. Link et comme to town, come to save the Princess Zelda. Gone and poker away, now the children don't play, but they will when Link saves the day. Hallelujah! Now Link, fill up your hearts so you can shoot your sword with power. And when you're feeling all down, the valley will come around, so you'll be brave and not this is a coward. Now Link has saved the day. Et voici l'heure du Zbing et du Boeing. Pour les noobs et les geeks, les filles connectées et les garçons tunés, et tous les mélomanes. Pour la musique dans le pixel, c'est Pixel Music. Pixel Music. RQC.